a-t-il vraiment tout près d'y posséder? Ça qui caché en fond, yeux moi. Et mon déjà c'était mon pâté qui serré longtemps. Mais des bras l'amour saisit moi. Caresse ou toujours caravage moi. Mais gardez pas bon chez moi. C'est là qui n'y plus de gars. L'ombrage ou qu'a tranquillisé moi. On laisse moi avouer. On t'y prie et m'en garde debout. Ou me tiens moi. Ou serai pas moi. Ou doudou me tiens moi. Continue à tourner, tourner.